Bonsoir chers auditeurs de Vibration, c'est l'heure de Milky Waves, réveillez-vous. Vous nous écoutez toujours sur vibration.fm ou 107.2 Bruxelles, 91.0 Mons, mais tout ça vous connaissez par cœur évidemment. Toujours le Raph au micro, et en ce beau dimanche de mai, c'est Dr Peppers qui va rythmer notre belle soirée. Et la première sélection de Dr Peppers sous le label Dough Beats Records, il s'agit de Bastards of Funk et Sonic Union, avec le titre The Abyss. This is Milky Waves, hosted by Raph, with on the decks, Dr Peppers. We'll be right back. nous venons d'écouter The Abyss, Les Bastards of Funk et Sonic Union. Et maintenant, on passe aux Argentins de Buenos Aires. Il s'agit de Dark Soul Project, sous le label Dopamine Music, avec le titre What Can I Say? Et c'est un remix Loan Gamboa. On écoute ça. This is Milky Waves on Vibration.fm, 107.2 in Brussels. C'était les Argentins Dark Soul Project avec What Can I Say. Après l'Argentine, on passe à l'Angleterre avec Scotty A. Le titre c'est Nothing As It Seems au label Proton Music. On continue dans le planant. We'll be right back. Nous venons d'écouter Scotty A avec Nothing As It Seems. Vous écoutez toujours Milky Way sur Vibration avec le Raph au micro et Dr Peppers au platine. Alors après l'Argentine, après l'Angleterre, on passe à la Russie. Une paire russe, il s'appelle Andrew Benson et Asten, When Toys Come Alive. Ouh, que ça fait peur. This is Milky Waves, hosted by Raph, with on the decks, Dr. Peppers. C'était Andrew Benson et Asten avec When Toys Come Alive. Vous aimez le rythme, vous aimez les percussions. Eh bien, vous allez aimer ce qui suit puisqu'il s'agit de Deep Funk et Guy Mansur. Sous le label 67 Sons, il s'agit de The Mind Palace. On écoute ça. We'll be right back. This is Milky Waves on Vibration.fm 107.2 in Brussels. We'll be right back. c'était Deep Funk et Guy Mansur avec The Mind Palace. Toujours le Raph au micro et Dr Peppers au platine. Nous arrivons déjà à la moitié de notre émission. Et pour entamer notre deuxième partie, notre belle émission Milky Waves, Dr Peppers nous a sélectionné à notre ami ukrainien que j'ai longuement présenté dans une émission spéciale. Il s'agit de Tvardovsky avec le titre Mountains. C'était Tvardovsky avec Mountains. À suivre l'artiste G-Soul featuring Lozin. cet artiste-là, il avait fait Morning Lights, remixé par Moult DJ. Et là, on le retrouve avec le titre The World Before My Eyes. C'est un remix Moonbeam et j'aime beaucoup. On écoute ça. c'était G-Soul featuring Lezin ou Lezin, on ne sait pas. The World Before My Eyes. Et maintenant, on passe à l'artiste D. Miller, comprenez Dimitri Miller. Originaire de Saint-Pétersbourg. Et le titre s'appelle Note A. Il a aussi fait Note B, mais là, c'est Note A. This is Milky Waves on Vibration.fm 107.2 in Brussels. Thank you. C'était Dimitri Miller avec Note A. Vous écoutez toujours Milky Way sur Vibration, évidemment, avec le Raph au micro et Dr Peppers à la sélection. À suivre Inkfish pour un morceau qui fait très, très xylophone. Et le morceau s'appelle Undercover, c'est un mix mélodique. d'écouter Inkfish avec Undercover. J'espère que vous passez une bonne soirée sur Milky Waves en notre compagnie avec Dr Peppers toujours aux platines et le Raph au micro. Moi en tout cas, je passe une très bonne soirée. Et maintenant, on va écouter un magnifique duo argentin, comme ils aiment à le dire. Il s'agit de Pablo Ascenso et Juan de Meneses avec le titre Downshifting. C'est un remix de notre ami Fardovsky. Et c'est parti. c'était Pablo Asenso et Juan de Menicis pour Downshifting, remix de Tvardovsky. Oulala, mais il est bientôt 22h, l'heure de nous quitter. Mais on va encore écouter un dernier morceau. Hein. Alors, c'est Mike Thor, When Autumn Falls. Il y a le clip sur YouTube, ça fait très jardin extraordinaire, faut aller voir, c'est rigolo. Sur ces dernières notes, je vous souhaite une excellente nuit, une excellente semaine aussi, et on se retrouve dimanche prochain, bien sûr. Même heure, même endroit. Bye bye.